Chapitre 6e, le sacrifice volontaire. Cette tentative d'Armande fut la dernière. Elle n'était plus maintenant en face de l'inconnu si terrible avec ses incertitudes et ses angoisses. Elle savait, elle ne savait que trop. Que gagnerait-elle à avoir une preuve? N'avait-elle point encore au cœur, vive et saignante, la brûlure que cette preuve lui avait faite alors qu'elle avait cru la tenir? Un nom enlèverait-il une souffrance à sa certitude? N'en ajouterait-il pas plutôt une nouvelle? Le coup terrible, inattendu, le coup de tonnerre qui l'avait frappée, s'était abattu sur elle le jour où elle avait appris que son mari la trompait. Maintenant, c'était une atmosphère froide et sans lumière qui s'épaississait autour d'elle. Le ciel était bas et lourd sur sa tête. Devant ses pieds, le sol mouvant et pierreux. Elle n'avait plus d'illusions à se faire. Le bel avenir qu'elle s'était bâti sur la tendresse de son mari était écroulé. De cette tendresse même, il ne restait plus que le souvenir. Leur doux repos dans une vie occupée, leurs caresses, leurs paroles, leurs regards, tout cela était perdu à jamais. Ou plutôt, il le donnait à un autre, qui à cette heure était heureuse par lui, comme elle-même l'avait été autrefois. Jusqu'à ce jour, ça avait été l'activité de la jalousie qui avait dévoré sa fièvre. Elle se dit que désormais, ce serait l'activité du dévouement. Rudement éprouvée, elle n'en était point encore à ne plus avoir ni volonté ni énergie. Lorsqu'elle eut donné à sa vie ce but qui fait faire aux femmes tant de prodiges, le sacrifice volontaire, elle se releva. À ses lèvres, elle commanda le silence, à ses yeux l'aveuglement, à ses souvenirs l'oubli. L'amante fit place à l'épouse, et la maison redevint si bien ce qu'elle était avant les leçons d'Élisabeth que Maurice put dire qu'il était le plus heureux homme du monde. Sa femme était un ange et Lina le loup qu'il fallait précisément dans cette bergerie. Mais ce ne fut point sans de cruelles souffrances qu'elle put accomplir la tâche qu'elle s'était imposée. Que deux fois Victorine vint la tirer par la main, lui disant dans son parler enfantin « Ne pleure pas, je vais t'embrasser, ça passera ». Que deux fois la rêverie sombre où les songes s'enchaînent les uns aux autres et se meuvent dans une nuit noire, s'empara d'elle et interrompit son travail. Que de pas, quand Victorine était à la promenade, elle fit autour du jardin, machinalement, suivie de Badaud, qui par ses gambades ne pouvait la distraire. Que d'heures elle passa accoudée sur la balustrade, regardant, sans la voir, la ville qui s'agitait bruyante devant elle. Il était là, quelque part, heureux sans doute, tandis qu'elle-même attendait. À la longue, les efforts d'une volonté constante à cacher larmes et souffrances se trahirent extérieurement. Elle pâlit, elle maigrit. Ses lèvres gardèrent, même au repos, une sorte de frémissement nerveux. Ses traits s'allongèrent, ses yeux se bordèrent d'une teinte bistrée qui les agrandit. Cette transformation devint si évidente que Charvel lui-même s'en aperçut et fit tout haut l'observation. « Votre femme change ?» dit-il à Maurice. « Oui, j'ai été bien sûr que vous vous en aperceviez, vous l'aimez toujours. » « Parbleu. Seulement je trouve que c'est à son avantage. Elle gagne en distinction. » « Peut-être, mais à coup sûr en distinction maladive. » « La pâleur, mon cher, c'est le charme des blondes. » Charvet n'insista point. C'était même déjà beaucoup pour lui d'avoir essayé cette ouverture, car il était en ce moment plus occupé que jamais. Deux idées gigantesques le tourmentaient. L'une, industrielle, avait pour but de faire manger aux Parisiens des pêches superbes qui ne coûteraient qu'un sou. Résultat auquel on arrivait facilement en couvrant de pêcher les 40 kilomètres de murailles formées à bonne exposition par les fortifications de Paris. En plantant 200 pêchers par kilomètre, on avait 8 000 arbres qui, produisant chacun seulement 100 fruits, donnaient un total général de 800 000 pêches, moyenne assurément, qui n'avait rien d'exagéré. L'autre idée, moins pratique, comme il le disait lui-même, mais de l'ordre le plus élevé, ne tendait à rien moins qu'à fonder une religion nouvelle, avec l'aide d'un Allemand illuminé qui, tous les soirs, prêchait sa doctrine philosophique, mystique et sociale, dans un café de la rue Marie-Stuaire. Lorsqu'on porte un pareil monde dans la tête, on ne peut guère s'occuper longtemps d'une femme. Dieu voit les souffrances du faible et du fort, mais c'est prophète. Heureusement, Madame Aigbel, qui n'était point absorbée par d'aussi sublimes préoccupations, remarqua l'état d'Armande en même temps que Charvet. Elle avait en ces choses du tact et de l'expérience. Elle jugea sainement la situation. Au lieu de s'en expliquer avec le mari, elle s'adressa directement à la femme. Moins assidue qu'autrefois dans la maison, elle y venait encore bien assez pour voir ce qui s'y passait. Et, ce qu'elle ne voyait point, les bruits du dehors le lui apprenaient. Armande accueillit tout d'abord assez mal l'ouverture qu'elle tenta. Mais Madame Aigbel, comprenant ce qu'il y avait de tendresse et de fierté dans cette réserve, ne se rebuta point. Au lieu de rompre l'entretien comme le voulait Armande, elle le précisa, et au milieu de son pathos, elle sut trouver des paroles sympathiques qui allèrent au cœur de la jeune femme. « Eh bien oui, dit celle-ci, j'en conviens, je suis malheureuse. Il y a quelques semaines, j'étais désespérée. Mon mari me trompe, il a une maîtresse. »« Vous le saviez ? » s'écria Madame Aigbel. « La preuve matérielle, palpable, je ne l'ai pas, mais j'ai pire que ça. J'ai la certitude morale, qui résulte pour moi de 1000 blessures de la vie de chaque jour. Ainsi, aujourd'hui, en ce moment, je sais qu'il est chez elle. Il s'est fait servir ce matin des côtelettes saignantes et une bouteille de Saint-Émilion. C'est son déjeuner habituel lorsqu'il doit passer la journée avec elle, tandis qu'il mange très légèrement comme nous lorsqu'il va travailler au journal. « Allons donc, » dit Madame Aigbel, « c'est là de la folie. Cette preuve, » poursuivit Armande, « que je vous donne là pour le déjeuner, se renouvelle chaque jour pour moi à propos de tout. L'esprit s'aiguise vite lorsqu'on souffre, et je souffre plus que je ne saurais le dire. Mais pourquoi me plaindre? Ma vie est manquée. Je ne le suivrai plus dans la route glorieuse où il va marcher. Je n'ai qu'un but maintenant, être une épouse irréprochable et une digne mère. C'est la tâche que je me suis imposée. Vous êtes un brave cœur, dit Madame Aigbel, levant jusqu'au plafond une de ses grandes mains, tandis que de l'autre elle essuyait une larme. Mais il est mauvais de pleurer seul, puisque vous vous êtes ouverte à moi aujourd'hui, ne repoussez jamais ma sympathie comme vous l'avez fait tout à l'heure. Rappelez-vous celui qui vous a confié à moi. En forçant vos confidences, c'est un devoir que je remplis envers lui. » Émue par le sentiment qui avait dicté ces paroles, essoufflée par la rapidité avec laquelle elles avaient été prononcées, Madame Aigbel s'arrêta. « J'étais ingrate, » dit Armande, touchée. « Pardonnez-moi, vous m'aiderez à supporter mon chagrin. À le guérir, chère petite, à le secouer, il ne faut pas non plus faire le mal plus grand qu'il n'est. Que voulez-vous donc de plus ? » interrompit Armande. « Mon enfant, parce qu'un mari trompe sa femme, cela ne veut pas dire qu'il cesse de l'aimer et que le ménage est troublé à jamais. La vie n'est pas si absolue que cela. Et le monde est plein de ménages qui ont eu leur tempête et sont pourtant aujourd'hui heureux et calmes. Sans doute, vous êtes malheureuse, mais rien n'est perdu. Vous pouvez vous défendre, lutter, et à cela, si vous voulez bien. Je vous aiderai. » Elle allait continuer, Armande l'arrêta doucement. « Lutter, » dit-elle, « je l'ai essayé. Je n'en ai eu ni la force, ni l'intelligence. Lorsqu'il n'est pas là, j'ai la raison. Ce que je décide est sensé. En sa présence, je deviens faible et lâche. Ce que je veux faire est maladroit. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que je le sens. Et que je sens aussi que je lui donne raison quand il m'accuse d'être gauche et sotte. Tenez, bien souvent je l'ai étudié épié pour savoir ce qui lui déplaisait en moi et le charmait ailleurs. Quelquefois j'ai trouvé à la longue, mais alors il était trop tard. Il ne pensait plus au désir que j'avais voulu contenter. Non, je ne lutterai plus parce que j'en suis incapable, et aussi parce que cela ne peut que l'éloigner. Je veux au moins garder son amitié intacte. Je ne veux pas qu'il soit malheureux par moi. Si un jour je dois le ramener, il me semble que ce sera par la douceur. « Voilà le mot, » s'écria Madame Aigbel. « En une parole, vous avez dit ce que je voulais vous conseiller. Vous le ramènerez, c'est certain. Mais ne vous renfermez point dans une résignation qui, pour être pleine de dignité, est pleine aussi de danger. Au lieu d'attendre qu'il revienne à vous, touché et repentant, faites-le revenir tendre et empressé. » « Ce ne sont pas là des conseils, » dit Armande en souriant tristement. « Qu'est-ce donc ? » s'écria Madame Aigbel. « N'êtes-vous pas charmante ? Il n'y a pas de femme qui pourrait vous disputer votre mari, si vous vouliez bien employer votre esprit et votre beauté à le séduire. Combien de femmes ont perdu leur vie par découragement ou dignité outrée ? Faut de la vertu, mais pas trop n'en faut avec son mari. » Ces paroles répondaient trop à la secrète espérance d'Armande pour qu'elle ne leur ouvrît point son cœur. C'était l'expérience qui parlait par la bouche de Madame Aigbel. Elle voulut le croire et elle le crut. Peut-être elle avait raison. À quelques jours de là, en rentrant, Maurice la trouva dans le jardin. Victorine, armée d'un fouet, faisait traîner au chien une petite voiture chargée de sable. Comme à l'ordinaire, il alla donner à sa femme un baiser machinal. « Sortiras-tu ce soir ? » lui demanda-t-elle en le regardant tendrement. « Oui, pourquoi ? » ?»« Parce que je t'avais fait une petite fête. C'est aujourd'hui l'anniversaire du jour où nous nous sommes vus pour la première fois. » Il la regarda et fut tout surpris de la voir en toilette. Elle était assise sous la tonnelle. Le soleil qui s'abaissait l'éclairait en plein, et une pure lumière dorait ses cheveux blonds qui frisaient sur son front doucement agité par l'air tiède. Elle était charmante. Tout en elle, toilette, jeunesse, espérance, s'harmonisait avec ce cadre et empruntait une grâce nouvelle à ce milieu si frais et si serein. « Si tu n'étais ma femme, fit-il, je te dirais que tu es ravissante. » Il avait si bien pris l'habitude de la regarder d'un œil indifférent que cette vision était une révélation. On vint avertir que le dîner était prêt. En voyant la table brillamment servie, en trouvant les plats qu'il aimait, il se montra plein de gaieté. « Comme il y a longtemps que tu nous avais donné pareille joie, » dit-il tendrement. Sans rien répondre, il commanda à Marie-Ange de presser le service. Armande s'en inquiéta. Elle eut peur de l'avoir contrarié par cette parole, ou peut-être il avait vu un reproche. Lorsqu'on fut arrivé au dessert, « Il faut que je sorte, » dit-il. « Il y a ce soir première représentation d'une féerie. » Elle pâlit. « Allons, » dit-il, « ne prends pas ta figure des jours de querelle. Notre fête sera complète. Viens avec moi, et emmenons Victorine. J'ai une bonne loge. Mets vite un châle. Surtout ne change rien à ta toilette, qui te va à merveille. » C'était la première fois que Victorine voyait un théâtre. Les lumières, la musique, la foule, l'éblouirent et la grisèrent. Au second tableau, qui représentait le palais d'une fée peuplée d'animaux fantastiques, elle se leva tout debout sur le fauteuil et battit des mains. Puis les exigences de la machinerie et de la mise en scène ayant amené un de ces longs et niais dialogues, pendant lequel on pose dans le fond du théâtre le décor à effet, elle s'endormit. Maurice la prit, l'entortilla dans son pardessus, la coucha sur le petit divan qui était au fond de la loge et revint sur le devant auprès d'Armande. Par son bruyant enthousiasme, l'enfant avait attiré l'attention sur eux, et bientôt toutes les lorgnettes avaient pris pour but cette jeune femme qui n'était point une comparse habituelle de ses solennités et qui, par sa grâce naïve, sa décence, sa simplicité, contrastait avec les beautés à la mode qui s'étalaient dans la salle, car elles étaient toutes là, les princesses de la rampe ou de l'alcôve, luttant de luxe, de tapage et d'effronterie. Quand le public féminin sut qu'elle était la femme de l'amant de Lina, comme le dit une de ces dames bien informées, la curiosité redoubla. Elle la supporta, sans embarras comme sans orgueil, et quand elle vit Maurice heureux de ce triomphe, elle éprouva une sensation de joie chaude. Elle eut une heure de beauté éclatante, où elle s'entoura en réalité de cette auréole radieuse qui transfigure si pleinement que la peinture, incapable de la rendre, a dû inventer, pour la traduire, le cercle d'or qu'elle pose sur la tête des bienheureux. Pendant l'entracte, Liénard vint faire sa visite et se montrer dans cette loge qui attirait les regards. « Vous faites sensation, » dit-il à Armande. Maurice rit de cette parole, mais au fond du cœur il en était flatté. Il le fut doucement encore lorsque deux ou trois de ses confrères lui demandèrent à être présentés à sa femme. Il ne voulut point attendre la fin de la pièce. « Victorine sera mieux dans son lit, » dit-il. « Si tu veux, nous pouvons nous en aller. » Ils rentrèrent. Elle avait triomphé. Mieux eût valu la défaite, car Lina, à qui l'on avait dès le matin rapporté ce qui s'était passé la veille au théâtre, s'arrangea si bien que, par une scène habilement mélangée de colère et de tendresse, elle le retint près d'elle. Il devait revenir dîner. Il rentra fort tard dans la nuit. Il avait bien pu honorer sa femme d'un caprice, mais celle qui le tenait par toutes les fibres de son corps, par les désirs aussi bien que par les souvenirs, c'était sa maîtresse. Assurément, il inspirait à sa femme un grand amour. Tout le lui prouvait. Mais celui qu'il ressentait pour elle n'était nullement de même force. Tout le lui disait aussi. Or, en amour comme en toute chose, le bonheur est pour celui qui donne plus que pour celui qui reçoit. De là, pour lui, un impérieux besoin de chercher au dehors les sensations qui lui manquaient, c'est-à-dire le trouble, le rêve, l'illusion, l'enthousiasme, la folie, l'idéal. Il n'était plus à l'âge où il avait aimé naïvement sa première maîtresse. L'imagination chez lui était devenue la force dominante qui chauffait sa vie et la poussait en avant. Notre cœur n'a qu'une certaine puissance, nos nerfs n'ont qu'une certaine résistance. L'imagination est sans limite. Il en est d'elle comme de l'horizon. Plus loin, la poursuite recommence. Pas de but, pas de borne, l'infini. C'est par là qu'il faut s'expliquer cette nature complexe. C'est par ce besoin de la sensation à tout prix, mais de la sensation reçue, non donnée, de telle sorte que ce qu'on cherche, c'est l'occasion, non la personne. Que ce qu'on demande, c'est l'émotion, non la tendresse. Que ce qui attache, c'est le sacrifice, non le dévouement. Lorsque Lina lui avait dit « Nous sommes bien liés l'un à l'autre », elle l'avait dit vrai. Car, bien mieux qu'Armande, toujours égale dans sa sereine tendresse, elle pouvait incessamment satisfaire cette soif d'émotion, comme elle pouvait aussi, mais sans comparaison avec Armande, si pleine de pureté, contenter et faire renaître les caprices et les exigences de désirs toujours changeants. Quel réveil pour Armande que cette attente d'une longue nuit. Lorsqu'après les premières espérances déçues, la certitude lui montra son mari au bras d'un autre, qui était pour lui ce qu'elle-même, quelques heures auparavant, avait été, pour la première fois depuis qu'elle en souffrait, elle le jugea implacablement. Puis, lorsque par l'enchaînement fatal de cette idée, elle pensa que pour l'emporter, elle avait flétri son honnêteté d'épouse, abaissé sa dignité de mère, pour la première fois aussi la honte lui empourpra le visage, un tressaillement de dégoût la souleva, elle se méprisa. Ah, c'était fini, bien fini. Du fait où elle avait cru remonter, elle se voyait précipitée plus bas qu'elle n'avait jamais été. L'avenir qu'elle avait voulu ressaisir entre ses mains lui échappait encore, et cette fois, elle restait abattue, doutant de la sainteté du mariage, n'espérant plus, ne croyant plus en son mari. Vers 3 heures du matin, il rentra. En la voyant au coin du feu éteint, il se dirigea vers elle. Elle se recula brusquement et le regarda en face. « Oh !» dit-il, « les jours se suivent et ne se ressemblent pas. À ton aise !» Au déjeuner, il fut moins superbe. Il avait à traiter avec elle un sujet qui l'embarrassait. Lina, autant pour constater la solidité de son pouvoir que pour satisfaire un désir qu'elle avait depuis longtemps, n'avait consenti à une réconciliation qu'en posant ses conditions, qui était que Maurice donnerait une soirée et qu'elle y serait invitée. La condition était dure. C'était pour Lina une raison puissante d'y tenir. Était-il choquant qu'une artiste fût reçue chez un artiste? Tout ce que Maurice put gagner fut que la soirée servirait à faire entendre quelques fragments d'Imogène et que Lina chanterait un ou deux morceaux. À cette combinaison présentée dans ce qu'elle avait d'avouable, Armande ne fit pas la plus petite objection. « Avant la soirée, dit-il, nous aurons un dîner auquel nous inviterons nos amis et mes chanteurs, Barba qui m'a promis, Forgès que j'espère décider, et Mademoiselle Boireau. »« Qu'est-ce que Mademoiselle Boireau ? » demanda-t-elle. « Le journal a parlé d'elle plusieurs fois. Elle a du talent. Je voudrais bien l'avoir pour mon rôle de femme. C'est bien. » « Maintenant, continua-t-il, enchanté de la facilité qu'il rencontrait, tu auras soin de commander un vrai dîner. Tu voudras bien aussi te faire une toilette élégante et neuve. » Il appuya sur ces deux mots. « À quoi bon ? » dit-elle avec une amertume mal dissimulée. « Tu veux donner un dîner, c'est bien. Ma toilette est inutile. Nous sommes gênés, tu le sais. La dépense de la maison est entraînée par des nécessités qui augmentent tous les jours. Depuis 2 mois que je n'ai pas payé les fournisseurs, ne faisons que des dettes indispensables. J'ai assez d'euros pour ne pas te faire honte. » Cette question de la toilette avait amené entre eux déjà plus d'une difficulté. Il aimait le brillant, et autant par goût que par vanité, il le voulait chez sa femme, tandis que celle-ci ne voulait plus que l'économie. « Où veux-tu en venir ? » s'écria-t-il, car la colère le gagnait. « Veux-tu m'accuser de compromettre ta fortune ?» Elle se leva vivement, repoussa sur la table l'assiette qui était devant elle et sortit dans le jardin. Mais presque aussitôt, elle rentra. « Je t'ai donné ma vie avec bonheur, » dit-elle en lui posant la main sur l'épaule et en le regardant. « Je ne l'ai pas regretté un seul jour. Je te jure qu'aujourd'hui, je te la donnerai encore. Ne parle donc jamais, fortune. J'ai voulu t'avertir. Pardonne-moi de l'avoir mal fait. » Il la tira dans ses bras. « Les circonstances sont dures pour moi aussi, » dit-il avec émotion. Puis, comme s'il avait peur de se laisser attendrir et d'en dire plus long, il prit son chapeau et se dirigea vers la porte. Mais, prêt à l'ouvrir, il s'arrêta et revint sur ses pas. « Je voudrais emmener Victorine, » dit-il. « Est-elle prête ? Je la ramènerai de bonne heure. » Cette parole, qui était une excuse et une promesse, fut comprise. Elle courut à lui et lui prenant la main. « Oh, tu es bon !» Les préparatifs de cette soirée lui firent du bien. Ils l'étourdirent et lui imposèrent d'autres préoccupations que celles de sa situation. Elle voulait qu'il fût content et qu'il n'eût pas de reproches à lui adresser. Pour elle, qui n'avait jamais organisé de fête, c'était une rude tâche. Avec les conseils de Madame Aigbel, elle s'en tira sans trop tâtonner. Quand celle-ci connut les invités et entendit le nom de Lina, elle ne put s'empêcher de pousser quelques exclamations accompagnées de mouvements de bras si expressifs qu'elle semblait vouloir télégraphier cette nouvelle par la méthode autrefois en usage sur les tours Saint-Sulpice. Heureusement, elle n'éclata pas, son indignation ayant trouvé à employer sa force dans un service à rendre et un discours. « Il faut que vous soyez belle, » s'écria-t-elle, « très belle, il faut que votre mari soit fier de vous. Je vous ferai inventer la plus ravissante toilette de la saison, et comme vous êtes une petite avare, soyez sans crainte, vous ne la payerez pas ce qu'elle vaudra. La publicité de mon journal payera le reste. » Lina arriva la dernière à cette fête que Maurice donnait pour elle, et son entrée dans le salon fut presque un coup de théâtre. Les invités, à l'exception de 3 ou 4 compositeurs ou critiques priés plutôt pour l'audition d'Imogène que pour le dîner lui-même, étaient des camarades ou des amis de Maurice et presque tous, par conséquent, connaissaient les liens qu'il attachait à Lina. Aussitôt que Maurice aperçut celle-ci, il courut au-devant d'elle et lui offrant le bras, il la conduisit à l'autre bout du salon où se trouvait Armande avec Madame Aigbel. « Ah, mademoiselle, » dit Armande, faisant quelques pas en avant, « combien je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous nous traitez en amis. » Avec son plus doux sourire, elle lui tendit la main. Lina, quoiqu'elle eût les yeux baissés, sentait tous les regards dirigés et réunis sur elle. Elle s'inclina, toucha légèrement la main qui lui était offerte, releva la tête, promena sur ceux qui la regardaient un coup d'œil circulaire, et apercevant Forgès et Barba, avec lesquels elle avait répété le matin même, elle alla vers eux. On se mit à table. L'éclat des lumières, le parfum des fleurs, l'odeur des fruits, dissipèrent l'embarras causé chez plusieurs convives par l'entrée inattendue de Lina. Plus d'un, cependant, lorsqu'il fut bien installé, céda à la curiosité et, glissant un regard à travers les pâtisseries architecturales ou par-dessus les corbeilles de fleurs, tâcha de voir quelle était la contenance de ces deux femmes qui devaient si peu se trouver vis-à-vis l'une de l'autre. Celle de Lina, n'osant affronter les yeux qu'elle sentait sur elle et dont elle ne comprenait que trop les intentions, était visiblement contrainte. Celle d'Armande, n'ayant rien à cacher, était parfaitement naturelle. Ce contraste saisissant était rendu plus frappant encore par leur toilette. Lina, qui avait voulu éblouir et triompher, portait une lourde robe de satin jaune, garnie à la jupe et au corsage d'une large dentelle noire. Dans ses cheveux étaient des camélias rouges, autour de son cou s'enroulaient les grains d'un collier de perles. Armande, confiée par Madame Aigbel au goût d'une faiseuse intelligente, avait une simple robe de mousseline blanche, légèrement relevée par de petits bouquets de cette mignonne fleur à laquelle les botanistes ont méchamment donné le nom horrible de cynoglosse. Dans les cheveux, quelques grappes azurées de cette même fleur, au cou, un petit collier de turquoise. Inquiet du silence de Lina, Maurice, qui était placé entre elle et Madame Aigbel, voulait venir à son aide. Elle ne répondit que tout juste ce qu'elle devait. Incapable de retrouver dans ce milieu sa verve et sa liberté, et elle préféra se renfermer dans une réserve qui avait au moins le mérite de la prudence et de la convenance. Il n'eut garde d'insister, il sentait dans toute leur étendue les conséquences qu'un mot imprudent pouvait amener. Un peu par l'aide du hasard, un peu par le tact des convives, ce mot ne fut pas prononcé. Des conversations intimes s'établirent, et celles qui devinrent générales furent entraînées d'autorité par le voisin d'Armande dans des sujets tout à fait inoffensifs. C'était un grand vieillard de 65 à 70 ans, nommé Verdol. Il faisait dans un journal quotidien une critique musicale intègre et sévère, mais dédaigneuse, qui lui avait valu une influence réelle sur le public et même sur beaucoup de ses confrères. Aussi, au milieu d'artistes qui presque tous relevaient de son feuilleton, devait-il être patiemment écouté. Comme à son ordinaire, il en abusa. Cependant, 3 ou 4 fois, il laissa l'entretien tomber des hauteurs artistiques où il le portait. Armande lui avait plu, et lui, qui était rogue et méprisant avec les femmes, il s'humanisa et daigna lui parler gracieusement. Fière de ce triomphe, elle le reporta à son mari, et souvent l'embrassant avec Lina dans un même sourire, elle leur dit des yeux « Vous voyez, pour vous je séduis la critique. » Lorsqu'on se leva pour passer au salon, Maurice respira plus librement. Elle n'était plus à la même table, il lui sembla qu'il n'y avait plus rien à craindre. Armande s'approcha de lui. « Es-tu content ?» lui dit-elle tout bas. « Verdol est très bien disposé pour toi. Seulement il l'est moins bien pour Mademoiselle Boireau. Quelqu'un va se mettre en tiers entre eux. » Elle n'avait pas vu Victorine depuis longtemps. Elle voulut l'embrasser. La soirée allait commencer. Elle serait longtemps encore sans la voir. Elle monta rapidement. L'enfant dormait dans son petit lit. Habituée aux caresses de sa mère, elle ne s'éveilla point. « Maman, » dit-elle seulement d'une voix empâtée, et sa respiration continua, calme et régulière. Avant de redescendre, Armande voulut prendre l'air sur la galerie qui, formant balcon, courait autour de la maison. Immédiatement, au-dessous d'elle, 2 personnes causaient à mi-voix, Verdol et Charvet, qui, pour fumer tranquillement et respirer un peu, étaient sortis dans le jardin. « Je crois à l'avenir de Berthaud, » disait Verdol. En entendant le nom de son mari, Armande, qui allait rentrer, resta. Il lui en coûtait d'écouter ainsi, mais elle apprendrait peut-être si le critique était sincère dans les bonnes dispositions qu'il venait de lui montrer. « On dit son opéra remarquable, » répondit Charvet, « et j'en ai entendu faire un sérieux éloge par un garçon qui ne manque guère, comme vous savez, Martel. Où donc est-il ce loup-là, en Italie ?»« Si l'opéra de notre hôte, » continua Verdol, « vaut sa femme, c'est un chef-d'œuvre, je ne la connaissais pas. Un cœur d'or, » dit Charvet. « Ah ça, vous qui êtes de la maison, » reprit Verdol, lançant son cigare dans le gazon. « M'expliquerez-vous comment Berthaud peut lui préférer Mademoiselle Boireau ?»« Un mystère, personne n'y comprend rien. » Le nom de Lina ainsi prononcé fut un coup de massue qui s'abattit sur Armande. Elle chancela éperdue, glissa contre le cadre de la fenêtre où elle était appuyée et s'affaissa. « Écoutez donc, » dit Verdol, « il m'a semblé entendre quelqu'un là-haut et en même temps voir une ombre là sur le gazon. » Ils firent quelques pas reculons dans le jardin. Ils ne virent rien qu'une fenêtre ouverte et sur une cheminée une lampe qui brûlait. Armande, agenouillée sous le tapis de la chambre, mordait à pleines dents son mouchoir pour étouffer ses cris. Celle pour laquelle depuis si longtemps elle souffrait, elle était trompée, abandonnée, c'était Lina. C'était cette femme à laquelle elle venait de sourire et de presser la main. L'indignation la souleva. Par la chambre, elle fit quelques tours. Elle ne comprenait plus, et cependant, comme un jet de plomb fondu, les paroles de Verdol lui brûlaient le cerveau. C'était donc là, cette vérité si longtemps cherchée. Cette femme avait osé venir, elle était là. D'un bond, elle courut à la porte et descendit quelques marches de l'escalier. C'était Maurice qui l'avait invitée, elle remonta. Elle se jeta sur le lit de sa fille. L'enfant, effrayé, s'éveilla, et passant ses bras au cou de sa mère, elle l'embrassa. « Embrasse-moi, » disait Armande. « Chère fille, embrasse-moi. » Elle suffoquait et inondait de larmes le visage de l'enfant qui pleurait aussi de l'avoir pleuré. Pendant ce temps, le salon s'emplissait. Les invités à la soirée arrivaient. Quoique folle de désespoir, Armande les entendait. Il fallait descendre. Elle prit un linge mouillé, baigna ses yeux. Elle tâcha aussi d'arranger sa robe chiffonnée. « Allons !» se disait-elle tout haut. « Du courage ! Du courage !» Elle se mit devant la glace pour se composer un visage. Mais elle avait beau vouloir, ses larmes ne s'arrêtaient pas. Plus elle faisait effort pour les retenir, plus elle coulait. À la longue, cependant, ce fut la volonté qui triompha. Elle se calma un peu, et après avoir fait quelques pas sur la galerie pour respirer et reprendre sa raison, elle descendit. On était surpris de ne pas la voir. « Où donc est Armande ?» avait demandé Madame Aigbel. « Vous croyez que j'ai une femme ?» avait répondu Maurice, blessé de cette absence. « Mon enfant a une mère, voilà tout. Elle est auprès de sa fille, elle a regardé dormir. » Lorsqu'elle entra, il se mettait au piano pour jouer l'ouverture. Elle était si horriblement pâle que tout le monde en fut frappé. Mais pour beaucoup, cette pâleur avait son explication dans une émotion bien naturelle. N'était-ce point l'avenir de son mari qui allait se décider ? Verdol alla au-devant d'elle et la fit asseoir auprès de lui. « Je vais vous servir de père aujourd'hui, comme bientôt je servirai de parrain à Berthaud, » dit-il. Cette parole lui fit du bien et lui desserra un peu le cœur. Elle crut que Verdol lui disait encore quelques mots affectueux, mais elle ne les entendit point, pas plus qu'elle n'entendit cette musique à laquelle elle avait donné tant de tendresse. Dans sa tête troublée, il n'y avait qu'une chose, l'atroce vérité qui venait de la frapper. Toute sa volonté, elle l'employait à se contenir. Ce que fut cette soirée, elle n'en vit, elle n'en sut rien. Plus tard, lorsqu'elle voulut se la rappeler, ce qui lui revint fut le souvenir d'un anéantissement horriblement douloureux qui l'avait paralysé. Tout ce monde qui lui parlait, c'était un rêve. On applaudit Maurice, on applaudit Lina, on applaudit les chanteurs, elle n'entendait rien de plus. Cependant, à un moment où elle se trouvait seule avec Verdol, elle essaya de lui parler de cette musique. Il n'avait cessé de l'observer. Il la regardait avec une tendre pitié et lui prenant la main. Vous étiez là-haut, vous m'avez entendu. Ne dites pas non, votre pâleur me dit oui. Vous avez été héroïque ce soir, vous êtes une digne femme. Si l'amitié d'un vieillard peut vous être utile, comptez sur la mienne. Il lui serra la main avec émotion. Vous voudriez savoir ce que je pense de cette musique? Je n'en sais trop rien. Je n'avais pas ma liberté. Je crois que c'est bon. On se disposa enfin à partir. Alors commença une interminable suite de félicitations. Quand ce fut à Lina de prendre congé, Armande la regarda en pleine figure. Ses yeux lançaient des éclairs, Lina, stupéfaite, s'inclina sans rien dire. Les deux époux se trouvèrent seuls. « Allons, » s'écria Maurice, « la soirée a été bonne. Décidément, ce sera un succès. » Il paraissait si heureux qu'elle retint les paroles qui lui brûlaient les lèvres. Elle eut encore la puissance de ne pas troubler cette joie, mais c'était trop d'efforts. Rentrée dans sa chambre, la réaction fut si intense qu'il lui sembla qu'elle allait mourir. Elle se cacha la tête sous ses draps pour qu'il ne l'entendît point. Elle se montra le lendemain matin calme en apparence. Elle était, au fond du cœur, pleine de désespoir et d'indignation. La vue de Lina avait produit en elle un profond changement. Jusqu'à ce jour, elle avait compris, elle avait tâché de comprendre l'infidélité de son mari, par une grande beauté, un charme irrésistible qu'elle prêtait à celle qu'il aimait. Et dans cette beauté supposée, elle avait trouvé une excuse, tout au moins une explication. Lorsque, dans le silence de la nuit, elle évoqua cette femme qu'elle connaissait maintenant, lorsqu'elle la revit, et la revit bien telle qu'elle était, mais dépouillée, pour elle, honnête et pure, de la séduction provocante qu'elle exerçait sur quelques hommes, elle condamna Maurice une nouvelle fois. Elle ne laissa pourtant voir ni colère ni mépris, un mot, un seul lui échappa. « Que Mademoiselle Boireau me fasse jeudi la visite, dont sans doute elle voudra m'honorer, je n'y serai point. » Maurice, qui allait sortir, s'arrêta. « Hein ? » fit-il. « Ah, bien, de la jalousie. C'est bon, c'est bon. » Et il s'en alla. Cependant, la contenance de sa femme, l'accent avec lequel elle avait prononcé ces quelques mots, et plus encore ses propres craintes, l'inquiétèrent un moment. « Bon, » se dit-il bientôt, « elle aura surpris quelques regards entre Lina et moi, et ses soupçons la reprennent, mais sans rien de précis, voilà tout. » Il n'y pensa plus. Il avait en tête bien d'autres idées qui l'emportaient. Son succès de la veille l'avait mis en appétit, il était repris d'un besoin furieux de publicité. Lina, loin de calmer ses idées, les enflamma encore. Elle avait été grisée par les applaudissements, et l'occasion qui se présentait était trop belle pour qu'elle la laissât échapper. « Puisqu'on te traîne toujours entre vie et non, » dit-elle, « fais jouer ton opéra à tes frais. Pourquoi ne louerais-tu pas la salle du théâtre italien? C'est l'affaire de quelques billets de mille si tu ne réussis pas. Si tu réussis, au contraire, tous les bénéfices seront pour nous. Et franchement, nous en avons besoin. Les créanciers ont usé déjà deux cordons de sonnette. Ils commencent à se fatiguer. » Liénard fut consulté sur ce projet. « Je crois, » dit-il, que si tu voulais attendre encore quelques mois, un an peut-être, nous arriverions à notre but. Et j'en suis toujours à mon sentiment sous l'influence du journal, qui finirait bien par vous bombarder quelque part. Regarde, Fisset. Qu'était-il il y a 3 ans quand il attrapait son feuilleton? Aujourd'hui, il a eu un acte de jouer, parce qu'il n'a pu faire qu'un acte. Il est décoré, membre bien payé de 2 ou 3 commissions. Dans 1 an, il sera bibliothécaire n'importe où. Dans 2 ans, inspecteur de n'importe quoi, et cela tout simplement parce qu'il a su se faire le courtisan de ceux qui ont l'influence et qui tiennent le couteau à couper le gâteau. Mais puisque tu es pressé à ne pas attendre 8 jours, évidemment, le mieux c'est de te faire jouer toi-même. « C'est ce que je veux, » dit Maurice. « Je comprends parfaitement, » poursuivit Liénard. « Seulement, je ne suis pas pour le théâtre italien. La salle te coûterait de location 1 800 francs par soirée. 120 musiciens à 20 francs l'un dans l'autre te coûterait 2 400 francs. Ce qui te fait déjà 3 200 francs de frais. Une jolie somme, tu vois, et cependant tu aurais encore à payer la copie de ta partition, tes chanteurs, tes décors, tes costumes, etc. De plus, si tu voulais donner une représentation toute bête, il n'y a pas d'illusion à te faire, tu n'aurais personne. Tu serais donc obligé de donner ta première au bénéfice de quelque infortune bien paumée, sympathique à toutes les opinions et à toutes les religions. Or, par malheur, je n'en vois pas pour le moment qui réunissent ces conditions. Il faudrait en inventer une, et c'est le diable. Tu ne saurais t'imaginer combien les bonnes âmes ont le nez long pour flairer la vérité. L'expérience a été faite, et je l'ai mesurée à mes dépens. Ajoute enfin que tu serais obligé de trouver des artistes, des figurants, des chœurs, des claqueurs, de répéter avec les uns, de seriner les autres, de les faire marcher tous, les travaux forcés. Non, je crois que puisque tu te décides au saut périlleux, tu peux trouver moins de cerceaux que ça à franchir. À cette époque, l'un des théâtres de musique avait pour directeur un industriel qui, après avoir fait à sa commandite une large brèche, tâchait d'étayer ses affaires avec tous les expédients plus ou moins solides qui lui tombaient sous la main. « Je suis sûr, » continua Liénard, « que si tu offrais 20 000 francs à Thorin, c'était ce directeur, prêtait, je veux dire, il te jouerait tout de suite et engagerait Lina. Où veux-tu que je prenne 20 000 francs ? s'écria Maurice. « Si je les avais, je commencerais par me débarrasser de bien des tracas. »« Puisque tu renonces à l'influence du journal, » reprit Liénard d'un air négligent, après un moment de réflexion, « pourquoi ne le vendrais-tu pas ? Tu trouverais ainsi tes 20 000 francs. »« Comment ?» s'écria Maurice. « 20 000 francs, ce qui m'a coûté 100 000 ?»« Je ne dis pas que tu n'en trouverais que 20 000 francs. Je dis seulement que je connais quelqu'un qui peut-être t'achèterait ta part. Si tu veux que je fasse ces doubles affaires, qui, je te le dis franchement, me paraît mauvaise, je suis à ta disposition. » Elle fut faite. Liénard, sous le couvert d'un prête-nom, racheta 75 000 francs, ce qu'il avait vendu 100 000, et s'appliqua immédiatement sur le prix payé les 25 000 francs qui lui restaient dus, car les lettres de change souscrites arrivaient à échéance, et il déclara qu'il était impossible de les renouveler. Maurice garda 25 000 francs pour les besoins pressants du moment, ce qui l'eût décidé à accepter de plus dures conditions encore, tant il était tourmenté. Le reste, ou pour être exact, 20 000 francs, car 5 000 francs disparurent dans cette débâcle, absorbés par les frais de transport, de prix, de délégation, etc. Le reste fut offert à Thorin, qui promit tout ce qu'on voulut, mit immédiatement Imogène en répétition et engagea Lina, mais à la représentation seulement, aux appointements d'une étoile. Tous les journaux annoncèrent que la race des directeurs intelligents n'était point éteinte, que M. Thorin ouvrait son théâtre à la jeunesse, qu'il venait de recevoir Imogène, cette œuvre originale, etc., d'un auteur qui, etc. Maurice gardant, en compensation des 25 000 francs que Liénard lui faisait perdre, sa position de rédacteur en chef, Armande ignora toutes ses affaires. Pour elle, la réception d'Imogène ne fut due qu'au seul mérite de l'œuvre, et elle en ressentit une grande joie. Cette joie ne s'éleva point, il est vrai, jusqu'à l'enthousiasme, qui, quelques mois plus tôt, l'eût transporté dans un rêve de félicité glorieuse. Elle se dit bien aussi qu'un triomphe pour lui, en le rapprochant de celle qui allait s'y associer, serait une nouvelle défaite pour elle-même. Mais au fond du cœur, le bonheur de voir Maurice heureux l'emporta sur tout, et dans sa vie sombre et froide, les heures d'attente jusqu'à la représentation furent des heures de soleil, de ce soleil pâle qui éclaire sans les échauffer les dernières belles journées des automnes de la Normandie. Madame Aiguebelle avait promis à Armande de l'accompagner au théâtre et d'être son chaperon aux yeux du monde. Mais 2 heures avant la représentation, elle fit dire, ce qui était vrai, qu'elle était indisposée. Armande se trouva donc seule dans la loge que Maurice lui avait réservée et qui était une avant-scène du rez-de-chaussée tout auprès de la petite porte qui de la salle s'ouvre dans les coulisses. Elle voulut rester au fond, il la fit mettre sur le devant. « Rien ne jette du froid comme une loge vide, » dit-il. « Je viendrai te tenir compagnie le plus qu'il me sera possible. » Puis il la quitta. Il avait affaire sur le théâtre. La salle encore sombre était remplie d'un brouhaha tumultueux. On cherchait sa place, on s'installait, on réclamait, on causait, on renversait les petits bancs. Dans les cintres, les titis s'appelaient bruyamment. Dans les galeries, les gens du monde se saluaient silencieusement d'un petit mouvement de main. À l'orchestre, les musiciens en arrivant faisaient grincer ou ronfler leurs instruments dans une atroce cacophonie. C'était donc là ce public qui allait indifféremment donner la vie, injustement peut-être la mort, à une œuvre qui avait coûté tant de journées de travail et de fièvre. Au moment où la rampe fut haussée et où la lumière du lustre plus vif fit ressortir et briller les toilettes, Armande se pencha en avant, comme si en regardant cette foule, elle allait deviner ses dispositions. Au milieu d'un vague brouillard, elle reconnut à l'orchestre quelques figures amies qui la saluaient. Elle se sentit un peu rassurée, au moins encouragée. Mais quand elle entendit frapper les 3 coups avec une lenteur majestueuse, quand le silence se fit, quand elle vit le chef d'orchestre d'une main tenir le premier feuillet de la partition et de l'autre lever son bâton en embrassant d'un coup d'œil tous ses exécutants, ce faible courage l'abandonna. Les 2 premiers actes s'achevèrent au milieu des applaudissements de la claque. Mais le vrai public resta dans une inquiétante froideur. C'était ce qu'on est convenu d'appeler au théâtre une belle salle, c'est-à-dire qu'il y avait là des représentants de tout ce qui, dans Paris, s'est fait une réputation ou est en train de s'en faire une. Il était à craindre que ce ne fût point ce qu'on nomme aussi une bonne salle, et de fait, ce n'en était point une. Il y avait d'hostiles, ceux qui avaient intérêt à la chute du directeur, et comme toujours, ils étaient nombreux. Ceux dont Maurice avait blessé l'amour-propre par des critiques trop dures ou des éloges trop faibles. Enfin, une bonne partie du public véritable, qui par cela seul, que de formidables réclames lui avaient beaucoup promis, voulait beaucoup. Pour Armande, cette froideur était mortelle. Cependant, sa foi était si solide qu'elle ne douta point un seul instant du succès. lorsqu'un morceau sur lequel elle comptait ne trouvait que l'indifférence. « Au suivant !» se disait-elle, et elle attendait, bien certaine que les vrais applaudissements allaient enfin éclater. S'ils n'éclataient point encore, elle rejetait la faute sur les interprètes. Jusqu'à un certain point, elle avait raison. La troupe, comme dans tous les théâtres qui menacent ruine, était démontée. Il y avait quelques chanteurs, il n'y avait point un ensemble, et l'adjonction de Lina ne l'avait point fortifiée. Il avait fallu tout l'aveuglement de Maurice, ou plutôt toute sa faiblesse, pour lui confier Imogène. Car ce n'était point sa voix aigrelette, son aplomb, ses chatteries qui la rendaient digne de ce rôle, la création la plus tendre de Shakespeare. Plus que personne, Armande sentait cette insuffisance, mais telle était sa situation que si sa jalousie pouvait souhaiter la chute de Lina, son amour pour Maurice devait lui faire désirer un triomphe. Il y avait là pour elle une lutte qui aggravait encore ses angoisses. Le troisième acte brisa la glace. L'admirable pastorale héroïque créée par le poète avait bien inspiré le musicien. La vie des champs dans la solitude, les scènes de chasse, le caractère sauvage des personnages, le sentiment religieux des funérailles provoquèrent des applaudissements qui partirent spontanément. Comme ces battements de mains lui résonnèrent dans le cœur, comme ces murmures d'approbation qu'elle percevait tous l'enivrèrent délicieusement. Elle pensa qu'il allait venir enfin. Il le voulait, mais au moment où il entrait dans la salle, il rencontra Liénard qui l'arrêta. « J'allais te chercher, » lui dit-il après lui avoir serré chaudement la main. « Je suis chargé de te dire qu'on t'attend dans la loge 31 pour te féliciter. Devine qui ? Une femme que tu connais beaucoup, une ancienne passion, ta grande passion, Madame de Lannélis, enfin. Elle veut te voir. » Maurice, qui avait hésité un moment, se décida, et pendant que Liénard rentrait dans la loge d'Armande, il se dirigea vers celle qui lui était indiquée. Dans les couloirs, cette bourse où se faisait la hausse et la baisse des succès, les groupes étaient compacts. Il entendit discuter sa musique qui, vivement attaquée, était vivement défendue. Pour ne pas être arrêté, il monta rapidement la tête baissée. Madame de Lannélis était seule. En le voyant, elle se leva. « Ah, mon ami » murmura-t-elle avec son sourire le plus aimable, « que je suis heureuse de vous revoir, et dans ces circonstances. C'est beau, très beau. On sent dans votre musique les battements d'un cœur. » Elle le fit asseoir auprès d'elle. Ils étaient tous deux émus. « Je savais bien que vous aviez du talent. »« Pourquoi donc ?» dit Maurice avec une nuance d'amertume. « En avez-vous douté autrefois ? Je vous en prie, ne parlons point du passé. Vous ne voulez pas. Cependant, certains souvenirs qui m'ont été durs me sont doux maintenant, et j'aurais plaisir à en causer avec vous, sinon ici. » Il souligna son dernier mot, « au moins ailleurs. » Sans répondre à cette parole, elle baissa la voix. « Est-ce vrai, dit-elle, que cette petite qui joue Imogène est votre maîtresse ? Mon cher, vous avez tort. Elle ne vaut pas votre femme. Elle n'est supportable que dans son costume d'homme. » Il allait répliquer lorsqu'il aperçut à quelques pas, appuyé dans le passage de la galerie, un beau jeune homme, taillé comme l'Apollon, qui le regardait et regardait Madame de Lannélis avec une étrange fixité. « Pardon, dit-il à Marguerite, mais je vous ai adressé une demande et vous avez détourné l'entretien. Voici la réponse, n'est-ce pas ? Du regard, il indiqua le jeune homme. Elle sourit, et en même temps elle fit un signe à celui-ci. Maurice se leva. « Ah, Marguerite, dit-il avec une gravité triste, ne faites pas de lui ce que vous avez fait de moi. Cette maîtresse que vous me reprochez, c'est vous qui me l'avez imposée. » À la porte, il se rencontra avec le jeune homme qui entrait superbe. Il le saluait légèrement et descendit. Il était presque heureux d'aller rejoindre sa femme, mais il ne trouva point auprès d'elle l'accueil qu'il reçut quelques minutes auparavant. Elle avait été si peinée de le voir dans une autre loge que la sienne qu'elle n'avait pu cacher son émotion à Liénard, qui immédiatement, repris de ses anciennes idées, avait voulu profiter de cette occasion. « Que ne m'avez-vous autrefois écouté ? » avait-il dit. Elle s'était retournée indignée et il avait payé pour tous ceux qui, depuis quelques heures, la faisaient souffrir. « Écoutez, » avait-elle dit en lui lançant ses paroles à la figure, « je croyais que vous aviez renoncé à me parler de votre amour. Je croyais que vous aviez eu pitié de moi et que vous étiez bon et généreux. Eh bien, puisque vous voulez exploiter ma douleur, sachez que si j'étais un jour assez malheureuse pour ne plus aimer mon mari, je ne serais jamais assez indigne pour aimer un homme que je n'estimerais pas. » Maurice était entré sur ces derniers mots. Il s'était à peine assis dans le fond de la loge qu'on vint lui dire qu'on avait besoin de lui sur le théâtre. « C'est bon, » dit-il, « j'y vais tout de suite. » Il ne put que serrer la main de sa femme. Elle était toute tremblante. « N'aie donc pas peur, tu vois que tout va bien. » et il sortit avec Léonard. « C'est Mademoiselle Boireau qui vous demande, » lui dit le garçon qui l'attendait dans le couloir. « Alors je te quitte, » dit Léonard. La scène était pleine de mouvements. On posait la décoration du quatrième acte, et les machinistes, sans crier gare, bousculaient ceux qui les gênaient. « Monsieur Berthaud !» s'écria une voix. Maurice s'arrêta. « Monsieur Berthaud !» dit celui qui l'avait arrêté. « Monsieur Barba vient de me prévenir qu'il ne veut pas qu'on fasse la nuit dans la scène du cachot. »« C'est absurde !» dit Maurice. « Vous la ferez !»« Je ne vous engage pas à tenir à ça !» dit un vieux petit bonhomme sec et ratatiné qui sortit de derrière un châssis. « Barba ne veut pas la nuit parce qu'il tient à ce qu'on voit bien ses mines langoureuses. Si vous le contrariez, il chantera mal sa romance et se fera empoigner exprès. Cédez-lui ça !» Maurice restait indécis. « Écoutez, monsieur Edmond, » dit celui qui avait parlé le premier, « jour ou nuit, le public n'y verra que du feu. »« Faites ce que vous voudrez, » dit Maurice. « Encore un qui n'a pas plus d'énergie qu'une poule. Barba lui fera cirer ses bottes. » C'était une des doublures de Barba qui volontiers eut coupé son chef d'emploi en petits morceaux. « Laisse donc tranquille, » dit un autre. « Barba a raison. Il compte sur le dernier acte pour achever Camille Janssens. Regarde-le dans son avant-scène. Elle le mange des yeux. » Maurice n'entendait point ces commentaires. Il montait rapidement l'escalier qui, de la scène, conduit aux loges des acteurs. « Te voilà, » dit Lina en le voyant arriver. « Ce n'est pas malheureux. » Sa loge était la plus belle du théâtre. C'était celle qu'on réservait pour les étoiles. Thorin la lui avait donnée pour être agréable à Maurice, et par une galanterie qu'il comptait bien qu'on lui payerait, il l'avait fait tendre d'une jolie paire sa couleur claire. Il avait aussi fait recouvrir les meubles de la même étoffe. En entrant, Maurice fut frappé d'un désordre qu'il ne s'expliqua point. Le costume que Lina devait revêtir était jeté sur le tapis, la table de toilette était bousculée. Assise devant une grande glace, Lina était en train de faire dérouler ses cheveux qu'elle avait dû retrousser pour son rôle d'homme. Elle les retira vivement des mains de son coiffeur. « J'ai dit que je ne chanterai pas !» répéta-t-elle exaspérée par sa propre colère. « Je ne chanterai pas !» Thorin, qui entrait, entendit ce dernier mot. S'il était mauvais directeur pour conduire ses affaires, il était excellent pour conduire ses pensionnaires. Fin, retors, souple et faux. Il devina qu'il n'y avait là qu'une scène de jalousie. « Dites qu'on peut commencer, » fit Thorin en se retournant vers son régisseur. « Mon enfant, » dit-il à Lina, « vengez-vous de Berthaud s'il vous trompe, vous ferez bien. Et les occasions ne vous manqueront pas. Mais ne me faites pas payer les frais de la guerre. Tant pis pour vous. » On entendit quelques accords, l'acte commençait. « Vous êtes trop honnête pour vouloir ma ruine, » continua Thorin. Elle ne répondit pas, mais il était évident qu'elle était ébranlée. « Allons, » reprit-il, « vous n'avez qu'à paraître devant ce tableau. Montrez-vous. Après, vous vous expliquerez avec Berthaud. Il sera encore temps de vous venger. » Elle ne dit rien, mais en un tour de main, elle fut prête, et il s'élança dans l'escalier qu'elle descendit d'un saut. « Ah, mon cher, » dit Maurice, « quel poids vous m'enlevez. J'ai cru que j'allais la tuer. » Une femme pour laquelle j'ai tout fait, je me ruine, je commets des crimes. Vous ne l'aimeriez pas sans cela, dit Thorin. Que ne s'est-elle cassé le cou dans l'escalier? Je vous dirai comme à elle, fit Thorin en riant, l'acte fini, ça m'est égal. Ils arrivaient sur le théâtre au moment où elle rentrait dans la coulisse. On applaudissait dans la salle. Remontez avec moi, dit-elle, j'ai 10 minutes. Pas plus de 8, dit le père Edmond, ou vous manquerez votre entrée comme tout à l'heure. « Nous sommes à vos ordres, ma reine, » dit Thorin, faisant un signe à Maurice. « Je finirai le rôle, » dit-elle, « mais à une condition. Maurice va écrire tout de suite ce que je vais lui dicter. »« C'est de la folie, » s'écria Maurice. « Possible, c'est comme ça. » Et du tiroir de sa toilette, elle tira du papier et une plume. Maurice lui lança un regard terrible, cependant il s'assit. « Merci, » dit-elle au coiffeur, « vous pouvez vous en aller. » « Mais, » dit celui-ci, qui n'avait point achevé son travail, « on vous dit que vous êtes de trop ici, comprenez-vous, mon cher ? » Sans doute il comprit, car il sortit aussitôt. « Vous, » dit-elle en se tournant vers son habilleuse, « allez dans le corridor tenir compagnie à Philibert, qu'il ne s'ennuie pas. » Quand elle fut seule avec Maurice, elle vint se camper devant lui. « D'où viens-tu ? » dit-elle d'une voix frémissante, comme il ne répondait pas. « Parle donc, » continua-t-elle rapidement. « Où étais-tu, au lieu de rester là, auprès de moi, à me soutenir et à m'encourager ? Crois-tu que je ne méritais pas d'être applaudi? Ça n'est pas la vie de tout le monde. Pour te recevoir ici tranquillement, j'ai renvoyé des gens qui auraient été heureux d'être là, dans ce fauteuil où tu te prélasses, à me dire que j'ai fièrement enlevé mon troisième acte, et des gens qui te valent bien. Voyons, où étais-tu ? Dans la loge de ma femme, dit Maurice, qui avait tout intérêt à calmer sa colère. Ne mens donc pas ! Si tu n'avais été que chez ta femme, je comprendrais ça. La pauvre petite ne doit guère s'amuser. Tu étais chez ton ancienne maîtresse. Je t'ai vu entrer. On m'a dit qui c'était, une gueuse, finie. On entendit une clochette qui sonnait dans l'escalier. « Habille-toi vite, » dit Maurice. « Non, on va commencer. Qu'est-ce que ça me fait ?» À ce moment, on frappa la porte de la loge. « On va commencer le quatrième acte. »« Papa Edmond, » dit Lina en repoussant la porte. « Laissez-moi tranquille, je ne chanterai pas. Comment ?» s'écria celui-ci en entrant tout à fait. « Annoncez que je suis malade. »« Malade comme moi ?»« Comme vous voudrez, mais je ne chanterai pas. Entendez-vous, je ne chanterai pas. » Elle se mit à frapper des pieds. Le papa Edmond s'élança dans le corridor. « Compris, monsieur Thorin, de monter tout de suite » cria-t-il. « Voyons, calmez-vous, » dit-il en rentrant, « et pensez à ce que vous voulez faire. Une première, est-ce possible ? Écris-tu » dit-elle. Il fit un signe affirmatif. Elle dicta. « Ne comptez pas sur moi, je ne vous verrai plus. « Jamais !» s'écria Maurice en se levant avec violence. « On n'écrit pas ainsi à une femme. » « Précisément, et quand on lui a écrit une fois ainsi, c'est fini. »« Mais je ne devais pas la revoir. » Il fit un tour dans la loge. Dans ses mains crispées, il s'enfonçait les ongles. « Thorin, dit-il, faites-lui entendre raison. »« Écrivez, dit celui-ci, nous n'avons plus que 3 minutes. » Il hésita encore quelques secondes, puis enfin il écrivit. « Bon, dit Lina, tu peux ne pas signer, je ne veux pas te faire une affaire avec le mari. » Elle prit la lettre et sonna. L'habilleuse entra. Lina lui parla à l'oreille, lui remet la lettre et la renvoya. « Vous, dit-elle à Thorin et à Maurice, restez ici, que Rose puisse sortir tranquillement. « Maintenant, fit-elle en se tournant vers Maurice, tu peux m'embrasser. » Il paraissait avoir plutôt envie de l'étrangler, cependant il l'embrassa. « Maintenant, à mon rôle, dit-elle. « Des atouts, ma fille, c'est le moment, dit Thorin. Elle se mit à déclamer en descendant. « Ce méchant Giacchino, votre ami, c'est un lâche. »« Ah, mon cher, dit Thorin, vous en êtes encore quitte à bon marché. Elle nous tenait. » Le quatrième et dernier acte, coupé en 2 tableaux, était très long. Il réussit, mais moins franchement que le troisième. Cependant, ce fut au milieu des applaudissements qu'on proclama le nom de l'auteur. Quelques voix prétendues amies l'appelèrent. Ce fut le moment critique pour Armande. Allait-il paraître sur la scène à côté de Lina ? Il eut le bon esprit de ne pas se prêter à cette ovation qui met l'auteur au même rang que le comédien, et il résista fortement à ces chanteurs qui le poussaient en avant. La toile ne se releva point. Il avait promis à sa femme de venir la prendre. Elle l'attendit. La salle se vidait. On éteignit les lampes de l'orchestre. La rampe fut baissée. Sur le velours des galeries, on déroula de longues bandes de toile. L'ouvreuse, qui avait fini son ménage, vint se camper à la porte. Armande voulut faire prévenir Maurice. Elle en pria même l'ouvreuse. Puis, au moment où celle-ci s'engageait dans la porte des coulisses, elle le rappela. Lentement, elle s'enveloppa dans sa mante, et ayant relevé le capuchon, elle se dirigea à petits pas vers la sortie, se retournant au moindre bruit. Elle arriva ainsi au vestibule, et elle attendit encore. Quelques hommes vinrent regarder cette femme seule et tourner autour d'elle. Elle eut peur. Elle voulut rebrousser chemin. Déjà, les couloirs étaient sombres. Elle revint. Il n'y avait plus personne. On fermait les portes. Au moment où elle ne savait plus que faire et regardait autour d'elle pleine d'angoisse, un grand vieillard entra du dehors. « J'ai oublié ma canne dans ma loge, » dit-il à un employé du contrôle. « Voulez-vous me la faire mettre en place ?»« Je vais vous l'aller chercher, monsieur Verdol, » répondit l'employé. C'était Verdol, en effet. Il aperçut Armande. « Vous ?» dit-il, « seul ?»« Maurice est retenu au théâtre, » répondit-elle. « Je n'ai pas de voiture. »« Une voiture ? » cria-t-il. « Il n'y en a plus, » répondit de la rue une voix avinée. « Voulez-vous la mienne ?» dit-il à Armande. « Je suis un bonhomme sans conséquence. Je vais vous reconduire. Si vous ne voulez pas, je vous laisse ma voiture et je retourne chez moi à pied. » C'était un sauveur. « Eh bien, » dit-il quand ils roulèrent sur le pavé, « acceptez tous mes compliments. Si Berthaud veut travailler, il arrivera. Il a ce qu'il faut. Il est doué. Seulement qu'il travaille et ne considère ce qu'il nous a donné aujourd'hui que comme une belle promesse. » Lorsqu'ils quittèrent les Champs-Élysées pour la rue de Chaillot, elle voulut le remercier. « Non, non, » dit-il brusquement, « pas de ça. »« Les remerciements, » ajouta-t-il en riant, « me fâchent. Ça vient peut-être de ce que mon métier de critique m'a valu des montagnes de merci, et pas gros comme la pomme de ma canne de reconnaissance. » Elle passa une triste nuit, car il ne rentra qu'à 5 heures du matin. Lorsqu'elle l'entendit, elle feignit de dormir. Cependant, il vint à son lit. « J'ai à te parler, » dit-il, « un service à te demander. » Elle se souleva. Il reprit. « Thorin m'a fait appeler après le dernier acte. C'est même ce qui m'empêchait de t'aller prendre. » Il disait vrai. Seulement, il n'ajoutait point que Thorin ne l'avait retenu que 10 minutes, et que le reste de la nuit, il venait de le passer chez Lina, où un souper avait été improvisé pour fêter son succès et leur réconciliation. « Il est à bout de ressources, » continua-t-il. « Nous tenons un succès d'argent, et pourtant il peut être mis en faillite s'il ne trouve pas 20 000 francs. Veux-tu aller à Plorac les demander à ton grand-père ? C'est une affaire sûre, et de plus, je sauve ma pièce. » « Quand faut-il partir ? Es-tu fatigué ? Non. Ce matin alors. C'est bien, je partirai par le train de 8 heures. » Il la prit dans ses bras. « Tu es la meilleure des femmes, » s'écria-t-il avec une émotion véhémente. « Pardonne-moi ce que je t'ai fait souffrir. Tu ne sais pas ce que j'ai souffert moi-même. Crois-moi quand je te dis que je t'aime et que je n'étais heureux que pendant nos journées d'intimité et de tendresse. Elles reviendront, je te le jure, et je serai digne de toi. »